Laissez-moi dans les rues, le long des avenues. Quelquefois, le soir tombe un peu moins vite. Alice et moi, sur les ponts des villes où nous allons. Quelquefois, l'air nous semble électrique. Et on ira, c'est promis, à ces noms.